-1. Très bonne fin d'année sur France Inter, il est 23h. Le journal, bonsoir Alexandra Dubouchereau. Bonsoir. La fête sous haute surveillance ce soir pour le passage à l'année 2017. Nous serons à Paris dès le début de ce journal, à 30 minutes du début du son et lumière sur les Champs-Élysées. La fête aussi dans les assiettes à Lyon, escargot, charcuterie, bœuf, langouste. Un reportage avec excès à suivre. L'année 2017 sera politique. Dans ses derniers vœux, François Hollande met en garde une victoire du Front National, dit-il. Ce ne serait plus la France. À New York, l'ONU adopte du bout des lèvres la résolution russe sur le cessez-le-feu en Syrie, explication dans ce journal. Et puis l'hiver et le froid, on a suivi une maraude à Paris, l'hiver et ses maladies aussi. Dans la Drôme, un trentenaire a succombé à une méningite foudroyante. Enfin, on ira faire un tour dans le sud de l'océan Atlantique où les skippers se battent pour le Vendée Globe, loin, très loin des cotillons du Nouvel An. Et ce qui intéresse les marins, c'est la météo, le point complet sur le temps à venir. C'est avec Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal. 7 départements du nord de la France sont sous vigilance orange, neige, verglas ce soir. France Inter. Plus qu'une heure donc avant le passage à 2017, une heure avant de s'embrasser et de se souhaiter plein de belles choses pour cette nouvelle année. Des célébrations et des spectacles sont organisés un peu partout en France, le tout sous haute sécurité. 100 000 gendarmes, policiers et militaires sont déployés sur tout le territoire ce week-end. Et à Paris, pas de grands feux d'artifice au pied de la Tour Eiffel, annulés comme l'an dernier pour des raisons de sécurité. À la place, un son et lumière dans une demi-heure sur les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est là où vous vous trouvez, Thibault Lefebvre. Pour France Inter. Et d'abord Thibault, vous nous le confirmez, le dispositif de sécurité est très important ce soir dans le secteur des Champs-Élysées. Eh bien, on n'avait pas vu ça depuis l'Euro. Les Champs-Élysées prennent des allures de fan zone. 1700 fonctionnaires mobilisés par la préfecture de police de Paris, 2000 agents de contrôle, 400 secouristes, des personnels médicaux, des policiers en civil, des patrouilles et un dispositif aussi visible qu'efficace. Filtrage des piétons au niveau de toutes les entrées sur les Champs-Élysées, près de 2 km de barrières, des plots, des chicanes, des camions de police qui barrent les accès. Bref, le dispositif de sécurité a été pensé pour éviter toute intrusion de véhicules. La crainte des autorités, c'est bien sûr le scénario des attentats de Nice et de Berlin, une attaque imprévisible au camion fou. Alors ça c'est pour l'aspect sécuritaire et côté fête, ça s'annonce comment? Eh bien ça arrive, hein, petit à petit les gens sont de plus en plus. 100 000, peut-être 500 000 personnes sont attendues dans une heure sur les Champs-Élysées. Une ambiance de plus en plus festive depuis un peu plus d'une heure maintenant, avec la fermeture à la circulation de l'ensemble de l'avenue. Des dizaines d'enceintes diffusent des musiques typiquement parisiennes, des reprises comme Champs-Élysées de Joe Dassin. Il y a aussi des projections sur 5 écrans géants, des vidéos d'exploits sportifs, des images des principaux monuments parisiens ou des clips de promotion pour la candidature de la capitale aux Jeux Olympiques de 2024. Les spectateurs attendent dans un froid glacial. Moins 1, moins 2, peut-être moins 3 degrés. Ils attendent le clou du spectacle. 10 minutes d'animation visuelle sur l'Arc de Triomphe. Des jeux d'optique qui ouvrent un spectacle d'une vingtaine de minutes et qui se termineront par le traditionnel décompte de minuit. Merci Thibault Lefebvre en direct des Champs-Élysées à Paris ce soir pour France Inter. Et on vous retrouvera justement tout à l'heure à minuit pour le décompte. De Paris, on file à Lyon parce que dans la capitale des Gaules, eh bien, les célébrations ont déjà commencé. Au Hall de Lyon, Christophe Vincent a rencontré quelques fêtards un peu en avance. Au Hall Paul Bocuse, on rend hommage au pape de la gastronomie sans attendre le réveillon. Julie sert des escargots toute la journée. Ils n'ont pas peur les clients, hein. Ils mangent le midi, ils réveillonnent le soir et puis le lendemain. Donc ils sont bien. Ça c'est les prémices du réveillon. C'est 15 jours donc il faut que ça dure longtemps. Donc on démarre à midi, tranquille et on finit fort. Le fil rouge, c'est un marathon de combien? Au moins 48 heures. C'est la mi-temps. Là, on rattaque le match après, à 14h, on reprend. Vers 6-7 heures du matin, ça va s'arrêter. Après, le lendemain, il faut travailler, donc si ça dure trop tard, ça va être compliqué. Qu'on a 20 ans, non, mais qu'on n'a pas loin de la cinquantaine, ça va être un peu plus compliqué. Pour ces bons vivants, prémisse ne veut pas dire amuse-gueule. On a fait quelques escargots tout à l'heure, un peu de charcuterie maintenant. C'est une mise en bouche, on peut dire? Une bonne mise en bouche. C'est un vrai rayon qui était à 11h le matin. Escargot, puis un petit morceau de bœuf. Macon blanc, ouais. Tranquille. C'est comme une cheminée, on la chauffe lentement, faut pas casser les briques. Il y a des bulots, il y a des crevettes, des jumbo. C'est une préparation de l'estomac pour ce soir, non? Tout à fait, ouais. Avant les escargots, la langouste et le sanglier, on va prendre, non? Sanglier, ouais. Ou de la biche. Ou de la biche. Christophe Vincent, France Inter. Des vœux émus et graves ce soir pour François Hollande, les derniers de son quinquennat. Vous les avez entendus sur France Inter à 20h et à quelques mois de l'élection présidentielle, élection à laquelle on le sait maintenant il ne se représentera pas. Il met en garde la gauche contre la dispersion synonyme d'élimination. Et au passage, le chef de l'État tacle les programmes de François Fillon à droite et de Marine Le Pen pour le FN. Écoutez-le. Dans à peine 5 mois, vous aurez, mes chers compatriotes, à faire un choix. Il sera décisif pour la France. Il y va de son modèle social auquel vous êtes attaché, car il garantit l'égalité de tous face aux aléas de la vie, et notamment la santé. Il y va de ses services publics essentiels, et notamment l'école de la République, là où beaucoup se joue, et notamment pour la jeunesse, qui est notre espérance. Il y va aussi de la capacité de notre pays à saisir les grandes mutations que sont la révolution numérique et la transition énergétique, pour en faire des facteurs de croissance, de bien-être, d'emploi, et non des éléments supplémentaires de précarité et d'instabilité. Il y va enfin de nos valeurs. La France, elle est ouverte au monde, elle est européenne, elle est fraternelle. Comment imaginer notre pays recroquevillé derrière des murs, réduit à son seul marché intérieur, revenant à sa monnaie nationale, et en plus, discriminant ses enfants selon leurs origines? Mais ce ne serait plus la France. François Hollande, dans cette allocution d'une dizaine de minutes, le chef de l'État a aussi défendu l'accord de Paris sur le climat menacé par Donald Trump, le futur président américain. Et avant d'aller saluer les forces de sécurité présentes sur les Champs-Élysées pour cette soirée de festivité, le président, dans ses vœux, est longuement revenu sur le contexte de menaces terroristes. Il a annoncé qu'il se rendra lundi en Irak pour saluer les soldats engagés auprès de la coalition internationale. En Irak, où la bataille de Mossoul s'intensifie 2 jours après le début de la deuxième phase de l'offensive des forces gouvernementales et de leurs alliés contre les djihadistes. 2 forces d'élite irakiennes ont notamment réussi à faire la jonction aujourd'hui dans l'est de la ville et elles avancent désormais vers le fleuve Tigrou et l'ouest de la ville totalement sous contrôle djihadiste. Le Quai d'Orsay condamne l'odieux attentat de ce matin dans la capitale Bagdad. 2 kamikazes du groupe État islamique ont tué près de 30 personnes sur un marché de la capitale. Ce soir, Jean-Yves Le Drian, lui, est en Jordanie. Le ministre de la Défense célèbre le nouvel an sur une base française avec les pilotes de Rafale engagés contre le groupe État islamique. À New York, le Conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité la résolution russe sur l'accord de cessez-le-feu en Syrie. La trêve conclue jeudi sous l'égide de la Russie et de la Turquie est globalement respectée, mais les diplomates onusiens ont mis quelques bémols. Frédéric Carbon. Quand les mains des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU se lèvent pour approuver la résolution, l'ambassadeur russe affiche un large sourire. La Russie obtient la victoire diplomatique qu'elle souhaitait, un vote rapide à l'unanimité avant le changement des membres du Conseil pour consacrer sa prédominance dans le dossier syrien. Le représentant de Moscou se permet même d'ironiser sur les sceptiques qui ne croyaient pas à l'initiative russe et il prédit que 2017 sera l'année du règlement politique de la crise syrienne. Mais le soutien unanime au cessez-le-feu actuel ne donne pas carte blanche aux parrains russes et turcs du processus en cours. Le texte initial a ainsi été modifié pour que l'ONU conserve la maîtrise des négociations de paix entre les différentes parties syriennes. Les Nations Unies seront ainsi associées à la rencontre prévue au Kazakhstan à la fin janvier. La France et les États-Unis demandent également plus de clarté sur les groupes armés concernés par le cessez-le-feu et ils parlent d'une trêve fragile. L'accord est donc à minima et sur un texte volontairement imprécis, mais ils confirment qu'en 2016, la Russie a bien été le maître du jeu dans le conflit syrien. Washington, Frédéric Carbone, France Inter. L'Égypte s'apprête à rendre aux familles les corps des victimes du crash du vol MS-804 d'Égypte Air en mai dernier en Méditerranée. L'opération commence demain pour les restes des 40 passagers égyptiens. Aucune date n'a été précisée pour les 15 passagers français. Il est 23h08 sur France Inter. En France, jusqu'à présent, on a eu bien du mal à percevoir l'hiver. Le mois de décembre a battu des records d'ensoleillement, mais ces derniers jours, les températures ont chuté. Le plan grand froid a été déclenché par les préfectures dans plusieurs départements. Niveau 1 pour la Haute-Marne, la Marne, la Somme ou encore la Seine-Maritime. Niveau 2, même pour l'Oise, jusqu'au 2 janvier. Le plan grand froid est déclenché dans de nombreux départements en raison donc de la chute des températures. Paris est épargné pour l'instant, mais hier, il a fait moins de 2 degrés dans la capitale. Alors une équipe de la protection civile, en lien avec le SAMU social, a fait une maraude toute la journée. Sandrine Etoa-Andeg l'a suivi pour France Inter. Bonjour, c'est la protection civile des passants ou les riverains qui voient des personnes sans abri, en fait, qui sont au bord de leur immeuble ou qu'ils ont aperçu, compte tenu de la température qui va, appellent le SAMU social pour leur dire à telle adresse, il y a une personne, un homme, une femme, etc. qui est là. Et donc le SAMU social enregistre l'appel et il répercute donc à l'équipe qui est en maraude pour lui dire voilà, vous avez une personne à tel endroit. Aujourd'hui particulièrement, on a énormément de signalements. Vous avez besoin de rien, vous avez ce qu'il faut. Ça arrive souvent, des refus comme ça. Ça arrive de temps en temps, il y a des gens qui ne veulent pas d'aide. D'aucune sorte. Voilà. Donc du coup, vous allez à un autre signalement, une autre adresse. Voilà, bah, on va continuer sur l'itinéraire, sur toutes les adresses qu'on nous a données, on va continuer. Bonjour, c'est la protection civile. Vous avez besoin de quelque chose? Une boisson chaude? On va signaler juste que sur le trottoir là, il manque des vêtements. Il a pas mal de couvertures. Qu'est-ce que vous faites, madame? Je viens de lui donner quelque chose. Qu'est-ce que vous lui apportez? Cassoulet, confit de canard. Je le fais de tout cœur, parce que vraiment, c'est atroce, quoi. Le reportage de Sandrine Eto'o à Andeg pour France Inter. Avec le froid, le givre et les trottoirs gelés dans le nord, les secours sont intervenus plusieurs fois ces dernières heures pour des piétons victimes de chutes, notamment dans la métropole lilloise. Résultat de 150 fractures. Et puis à Paris, toujours en raison du gel, le troisième étage de la Tour Eiffel a été fermé ce samedi toute la journée. Les services de santé en alerte cet hiver. La grippe, la gastro-entérite et la méningite. À Dijon, 30 000 personnes sont invitées à se faire vacciner dès la rentrée de la méningite après 3 cas, dont deux mortels découverts dans la communauté étudiante. Un troisième cas mortel vient d'être annoncé à Montélimar dans la Drôme. Un homme d'une trentaine d'années a succombé à une méningite foudroyante jeudi après son arrivée aux urgences. Tommy Cataneo. Ce sont d'abord les pompiers qui prennent l'homme en charge. Ils interviennent chez lui, à Bonlieu-sur-Roubion, vers 15h. Son état nécessite une hospitalisation. Les symptômes de la méningite sont de violents maux de tête, de la fièvre et des vomissements. Mais le trentenaire décède peu après son arrivée aux urgences de Montélimar. Tout de suite, l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, est alertée. Elle a dressé une liste des personnes susceptibles d'avoir été infectées. Selon l'ARS, ça ne concerne pas beaucoup de monde. Pour être contaminé, il faut une exposition prolongée d'au moins une heure et en face à face. Généralement, il s'agit de la famille ou des amis proches qui ont côtoyé le patient ces 10 derniers jours. Des membres du personnel de l'hôpital de Montélimar ont quand même reçu un traitement préventif, de même que les 4 pompiers qui ont transporté l'homme aux urgences, des antibiotiques pendant 48 heures, mais le risque de transmission est faible, la bactérie ne survit pas à l'air libre. Tommy Cataneo, France Bleu Drôme Ardèche pour France Inter. 3 personnes sont mortes cet après-midi dans un incendie à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne, en banlieue parisienne. Une femme et 2 enfants ont chuté d'une fenêtre ou d'un balcon du 13e étage pour échapper aux flammes. Un enfant d'environ 8 ans se trouve dans un état grave et un homme choqué a été pris en charge par les secours. Tous feraient partie de la même famille. Une pensée ce soir pour les skippers du Vendée Globe, solitaire plus que jamais. Aux 12 coups de minuit, Jean-Pierre Dick aura autre chose à faire que d'embrasser c'est des sirènes. Il pointe à la 4e place du classement de la course. Et cette journée, eh bien, elle sera comme les autres. Sur le papier, elle est particulière. Dans les faits, elle n'est pas vraiment, parce que c'est vraiment la mer qui dicte le ton. Vous voyez, là, le vent va monter. Il va y avoir un gros coup de vent à passer. Et donc, ben voilà, ça va être le rythme de ma journée. Donc, ça va être difficile de vraiment être dans la fête, être dans la communion avec les autres. C'est vraiment la course qui est toujours là. Et on ne peut pas dire qu'on est vraiment décontracté, quoi. Ce qui va être sympa, c'est d'appeler un ou deux amis aussi. Voilà, c'est ça aussi la fête pour moi. C'est de... la communion avec autrui, parce que bon, finalement, c'est un peu ça, tout même la fête, c'est d'être avec les autres. Là, ben, on est tout seul, donc c'est par définition, faire la fête, c'est pas vraiment ça, quoi. Ça va être de passer un ou deux coups de fil à des bons amis, et puis passer un bon moment amical. Sachant que, ben, toujours, le problème dans ces trucs-là, c'est quand vous raccrochez, vous retrouvez tout seul dans votre bateau, il fait gris, vous avez vos problèmes à gérer, et vous retombez dans le dur. Le skipper Jean-Pierre Dick, 4e au classement du Vendée Globe, il a passé le Cap Horn hier et remonte à présent vers les côtes brésiliennes. En tête, c'est toujours Armel Lecléache, le marin breton sorti de l'anticyclone, conforte son avance à 152 000 d'Alex Thompson. On revient en France pour un point sur la météo. La météo avec les chapons fermiers de Loué. Authentique chapon fermier. Et la météo ce soir, elle est signée Jean-Michel Golinski de Météo France. Pas de changement notable pour ce premier jour de l'année 2017, avec à nouveau de fréquentes gelées vers 0-5 degrés en fin de nuit. Il fera un peu plus doux sur les côtes de la Manche et de la Méditerranée. Le brouillard givrant sera à nouveau fréquent, avec une évolution lente, voire même nulle parfois en journée, et toujours une meilleure chance d'éclaircie pour les régions montagneuses et du quart sud-est. Le fait nouveau est l'arrivée cette nuit de fines pluies par la Manche qui risquent de donner du verglas en cours de nuit de l'intérieur de la Bretagne à la basse Normandie, mais surtout sur les départements situés au nord de la Seine et placés en vigilance orange. Au meilleur de l'après-midi, comptez sur 2 à 4 degrés dans la moitié nord, localement encore 0 sur la Lorraine, mais déjà 11 sur le Finistère. Il est prévu 8 à 11 degrés dans le sud-ouest et 13 à 16 près de la Méditerranée. C'était Jean-Michel Golinski de Météo France. Et la suite sur France Inter à 23h15, c'est la suite de Back to Back justement avec Mélanie Boer. Spécial 31. Spécial 31. Back to back. La battle de disques. Des voix de France Inter. Et nous arrivons au terme de 2016 avec une battle des plus aiguisées sur France Inter. Un match mixte de haute voltige avec Honneur aux Dames, une journaliste animatrice et productrice bien connue des auditeurs de la chaîne, Sonia De Villers, qui vous informe chaque matin du lundi au vendredi à 6h53 sur les médias avec l'instant télé, puis à 9h40 avec l'instant M. Sonia part avec un handicap puisqu'elle joue ce soir contre le végétarien le plus sexy de l'année. Ancien DJ, pionnier des radios pirates sur Radio Galère. Il présente et produit la cérémonie des victoires de la musique, lance Taratata, du haut niveau pour la compète. Face à Sonia, donc, c'est Nagui. Bonsoir, ça va ? Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est rude. Est-ce que je peux déjà partir en courant ? Présenté comme ça, ça fait... Ça fait la jeune fraîche contre le vieux mort. Déjà mort. Ils s'affrontent pour le dernier match de l'année 2016 sur les thèmes un générique qui donne envie d'allumer sa télé, un titre dont vous avez réinventé les paroles à chanter très très fort cette nuit en yaourt, et enfin un refrain Free Hugs pour câliner l'humanité un 31 décembre, et puis une fois terminé, un titre qui ne sort plus de la tête, on aime ça les titres vrillent. C'est parti. Back to back. Spécial nouvel an. Avec Mélanie. Ouais. C'est Hippolyte Gérardo, il est tellement sexy. Est-ce que le fait que ma femme s'appelle Mélanie me donne un point d'avance non. Ou pas? Non. Mais n'essayez pas. Je suis prêt à tout. Je sais que votre femme est blonde et qu'elle s'appelle Mélanie. Oui. On l'a vu dans Paris Match. Mais non. C'est bien joué de sortir Mélanie dans Paris Match avant la battle, mais non. Tellement pas perdre. Mais je peux pas finir l'année en perdant, c'est pas possible. Vous vous sentez à l'aise avec les thèmes? C'était facile de trouver les morceaux? Vous vous sentez à l'aise avec Sonia? Comment ça va? Non, le plus difficile pour moi était le d'inventer des paroles. Voilà. C'était un petit hommage à votre travail. Chanter en yaourt, ça c'est régulier. Mais réinventer des paroles, j'avoue, je sais pas, ça Sonia? Non mais il faut quand même rappeler que le monsieur fait tous les soirs à la télévision une émission où les gens montrent tout leur talent parce qu'ils connaissent toutes les paroles de toutes les chansons par cœur. Mais nous, dans la vraie vie... J'invente des paroles. Évidemment. Oui, évidemment. Des paroles qui ne veulent rien dire. On passe notre vie à inventer des paroles. D'abord, on parle anglais comme des patates, on parle et tout le reste aussi. Donc évidemment qu'on invente des paroles. Bon, ben voilà. Nous, les vrais gens. C'était mon petit obstacle. Bon, c'est parti. Premier thème, hommage à vos carrières respectives. C'est le générique qui donne envie d'allumer sa télé. Premier round. Allez la télévision, Agathe à télévision, Épidore. Honneur aux dames toujours, c'est Sonia De Villers qui se lance. Elle lance la première note avec un très bon choix. Un groupe formé à Chicago. Elle voulait montrer à Nagui qu'elle n'avait pas que mauvais goût en musique. Après, elle va lui montrer qu'elle peut avoir très mauvais goût en musique, mais là, elle voulait lui montrer qu'elle connaissait aussi des morceaux somptueux. Oui. Alors, c'est un groupe formé à Chicago qui maintenant est à Albuquerque, en Nouveau-Mexique. Bien roots, hein, l'Amérique, le couple Brett Sparks et Renny Sparks. Vous connaissez évidemment Nagui. Allez, Nagui. Allez, toutes ces années taratata pour rien. Mais que, alors, attends, The Handsome Family. C'est ce qui te donne envie d'allumer la télé, d'accord? Oui, alors parce que c'est vrai que... La question est très, très, très iconoclaste quand même. Oui. Parce que la musique qui donne envie d'allumer la télé, on ne peut pas l'entendre puisque la télé est éteinte. Oh, bah vous cherchez le, vous cherchez la petite bête. Vous êtes avec votre Mélanie à vous. Comment, vous, si vous saviez, comment voulez-vous allumer la télé en entendant une musique vu que la télé est éteinte? Eh bien, justement, parce que la musique qu'on a dans la tête, qu'elle colle à la peau. Vous voyez, vous êtes deux contre un. Qu'elle vous colle à la peau, qu'elle ne vous sort pas du cortex, tellement il est dégoûté. Et que oui, il y a des séries, parce que moi j'ai choisi un générique de série. Revenez Nagui. Moi j'ai choisi un générique de série parce que je pense qu'il n'y a pas plus addictif que la série à la télé et qu'il n'y a pas de lien fort. Moi j'ai plus fort. Que le générique de série. Et en plus, non seulement c'est un générique extraordinaire, c'est une série extraordinaire. J'ai mis juste de mon côté. C'est l'acteur quand même le plus sexy après Nagui. Ça, Nagui n'est pas d'accord. Okay. Matthew McConaughey. Avec True Detective. Extraordinaire. Saison 1 de la série True Detective. Tu sais à quoi ça me fait penser à... C'était dans quel Tarantino? Urge Overkill, The Girl. Et le voilà qui est-elle sa culture, évidemment. C'est une chanson absolument sublime. Et moi, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il n'y a pas de lien plus fort entre le téléspectateur et la télévision qu'avec les séries, parce qu'il y a, il y a quelque chose comme ça d'extrêmement affectif qui vous habite entre chaque épisode, et même quand les saisons sont terminées, ça continue de vivre en vous, et la télé aussi, et le générique aussi, pardon. Et moi, je suis extrêmement nostalgique des génériques qu'on pouvait chanter, des génériques de séries qu'on pouvait chanter. C'est-à-dire, moi, je suis nostalgique des génériques. On parle pas de Dallas, quand même. Non, mais même La Croisière s'amuse, L'homme qui tombe à pic, Les Feux de l'amour, Thierry la Fronde, etc. C'était les génériques qu'on pouvait chanter. Et aujourd'hui, les génériques de séries... Mais non, vous savez, Hawaii Police d'État, c'est un générique formidable. La preuve qu'on peut chanter, on le retient. C'est des ritournelles. Voilà, c'était l'époque où les génériques étaient des ritournelles. Et aujourd'hui, le générique des grands compositeurs, ils sont impossibles. Totalement épuré. Donc c'est quelques notes. En fait, on bascule dans un univers sonore. Dans le jingle. C'est quasiment du jingle. Ouais. Extrêmement chiadé, ultra produit et tout ça, mais impossible à chanter. Dit, et avec True Detective, mais il va me laisser parler. Les experts avaient repris les Who. Mais oui, des tubes, méga gros tubes. Mais voilà, la vraie série chic façon HBO, Netflix et Amazon, voilà, c'est le petit jingle sonore, comme dirait Nagui. Et voilà, moi j'ai retrouvé avec True Detective le générique qu'on retient, qu'on a envie de chanter, qu'on chante, qu'on rechante. T'as dû aimer Glee alors, non? Far From Any Road, The Handsome Family sur France Inter, le choix de Sonia De Villers pour ce premier thème de Back to Back. Qui part très bien. Générique qui donne envie d'allumer sa télé. Pour vous répondre, Nagui a pris des risques car l'arbitre a déjà honte. Est une femme. C'était glissant. Il a choisi le générique de la Ligue des Champions. Eh bien, moi, je vous le dis, Nagui va finir dictateur. Oh non. Si, et au Kyrgyzstan, en plus, ou au Kazakhstan. On dirait effectivement que quelqu'un va retirer Excalibur de son rocher. Ouais, ou que Macron va finir un discours. mais non, ça file la chair de poule, ça. C'est extraordinaire. Non, mais t'as gagné. Là, sur ce round-là, t'as gagné. Excusez-moi, c'est moi l'arbitre. C'est donc une adaptation faite à partir de l'œuvre issue des Coronation Anthems, hymne de couronnement, hein, c'est Handel au départ, c'est 1727, remanié par Tony Britton pour l'UEFA, pour la Royal Philharmonic Orchestra. Je vous l'avais dit. Il y a trois langues, c'est ça? Oui, il y a trois langues pour le texte. Nous sommes les champions. Dit juste ça, on est les champions, on est les rois, on est les plus forts. Ouais, mais ça file la chair de poule. Ça file totalement la chair de poule. Et là, à chaque fois, tu dis, il va se passer forcément un truc. Et... pas pour la symbolique de la télé, je suis totalement d'accord pour le côté accro des séries. Affectif. C'est pas l'instant M, c'est l'instant présent. C'est-à-dire que. C'est l'événement. Si tu n'es pas là au moment de cette musique, tu rates tout. Tu rates l'entrée des joueurs, tu rates le début du match, tu rates le moment, le jaillissement, et on est déjà dans le... Bah, c'est trop tard. T'as raté ça. Alors, il se trouve que pour l'arbitre, malheureusement, c'est quand on entend cette musique-là qu'il éteint la télé. Oh non. Il n'y aura pas de solidarité féminine ni genrée sur ce plateau, parce que moi, quand j'entends, alors là, le générique, je colle les gosses au lit, et je monte le son. Ah non, j'éteins systématiquement la télé parce que je moi, déteste je donne le mon foot. Point à Nagui. Et je donne le point à Sonia de Villers. Et je le partage avec Sonia. Deuxième thème, un titre dont vous avez réinventé les paroles. Qui est dictateur autour de la deuxième round? I can't you, Demode Blyan, met a blue sense for not a blower. Et je laisse la parole à Nagui qui vient de subir une attaque sexiste de ma part totalement injuste. Totalement. Avec un très bon choix de chansons à chanter en yaourt. Parce que c'est vrai que quand on lit le texte, on n'y comprend rien. Vous avez déjà lu les paroles de Bohemian Rhapsody? Non, je... Oh mamma mia, mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil pulled inside from me. Exactement, qu'est-ce que c'est que cette mascarade? You think you can il connaît les paroles par cœur, il les réinvente pas du tout. Ah ben si, je fais du yaourt là. Je crois avoir entendu, je n'ai jamais lu les paroles. I see a little silhouette of a man, Caramouche. Oui, ça ne veut rien dire, nous sommes d'accord. Déjà, c'est du yaourt. Oh, mamma mia, mamma mia. En plus de finir dictateur, il va finir Muppet Show, parce que la meilleure interprétation de YouTube, c'est les Muppets, non? Oui. Maman. Non mais alors, j'invite les auditeurs à lire les paroles de cette chanson qui est effectivement un des plus grands titres de tous les temps. Alors ça, par contre, c'est plutôt, il y a des endroits quand même où tu peux écouter ça bien à fond. C'est comme j'ai expliqué à Mathilde qui travaille avec toi en voiture, embouteillage. La musique à fond, t'es au volant de la voiture, tu te sens extrêmement ridicule quand tu as tous les gens qui t'écoutent. C'est la scène de Wentworth, quoi. C'est-à-dire que tu es totalement dans Bohemian Rhapsody et tu essayes de faire toutes les voix à toi seul. Ça, c'est le grand moment de solitude. Mais quel morceau! Ça serait bien pour un match de foot, non? Bohemian Rhapsody? Non, pour une réunion de potes un peu torchée, oui. Queen. Pour un réveillon. Sur France Inter. Voilà. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. Doesn't really matter. gentle silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolt and lightning, very, very frightening me. Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, Galileo, easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let him go. Bismillah, we will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Let me go. We'll not let you go. Never let me go. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamma mia, mamma mia. Que c'est bon. Et l'un de mes kiffs, c'est d'avoir eu Brian May sur le bateau Taratata faisant le solo de guitare. Alors pas celui de Bohemian Rhapsody, mais celui de We Will Rock You. Vous avez c'est, une vie horrible, vous. C'est... Ben non. Mais quant à ce mec-là, à 3m50, qui te sort, et en plus qui est fou, c'est-à-dire que tu peux avoir n'importe quel guitariste qui essaye de reproduire ce son-là, il a le toucher. Quoi. La coupe de cheveux aussi, personne n'a réussi à reproduire. Alors, il y a eu le chanteur d'Europe qui... Qui était pas loin. Ça va être difficile hein, pour vous, Sonia. Très, très difficile, et j'assume alors là, mais... totalement, comment dire, la faiblesse et le mauvais goût de mon choix, oui. Qui est un choix humble et qui, pour le coup, est le vrai choix des vrais gens dans leur vraie voiture, dans les vrais embouteillages. Ah non, mais bah quoi, tu rigoles ou quoi? Tu peux pas écouter Queen dans un embouteillage. Tu vas voir, parce que là, moi, ce que je vais te passer, tu peux l'écouter vraiment nulle part ailleurs. Okay. Alors, c'est une chanson italienne du duo Albano, un type qui affirme qu'il a été plagié par Michael Jackson, quand même. Albano avec et sa femme, Romina Power, fille du comédien star de Hollywood des années 30. Tyrone Power. Énorme. Alors, on est lourd en glamour hein, pour ce tube. Ah non, c'est pas du glamour du tout. C'est ce qu'on appelle du disco italien. Ouais. C'est de la vraie variété italienne. Et un peu de Dolce Vita. Ouais. Et un peu de Dolce Vita. Ouais. Moi, je pense qu'il y a vraiment deux musiques qui, moi, me rendent absolument heureuse dans la vie. Donc, du côté cérébral, on met le folk et la country. Voilà. Ouais. Et du côté moins cérébral, on met la variété italienne avec une petite préférence pour la période disco. Je me suis battue à l'époque où je produisais une émission le samedi après-midi pour passer du disco italien contre les programmateurs de France Inter. À l'époque, j'avais remporté le morceau et tous les mois, on en mettait un et ça rendait les auditeurs dingues. Parce qu'il faut pas dire ça, il faut leur dire que c'est un mouvement musical très important qui s'appelle l'Italo Disco. Underground. Si vous dites du disco italien, direct, vous êtes catalogué. Mais si vous sauf dites que moi, c'est de l'Italo Disco, moi j'assume, mais produit en Allemagne, le son de l'Europe, moi, là, c'est bon. J'assume. Moi j'assume et je peux vous dire qu'à 5h du matin sur le périphérique, c'est génial. La felicità. Thank you. bravo à vous deux. Est-ce que ça l'appelle Ketty Amo? Évidemment. Ritchie Poveri, à évidemment. Mais à toutes mes faveurs, de la même manière que Kwale Idea, à toutes mes faveurs. Sauf qu'elles sont beaucoup plus. Pino D'Angio. Évidemment, Pino D'Angio. Mais voilà. Sauf que c'est beaucoup plus facile à chanter et que la Felicita, même pour ceux qui connaissent un peu l'italien, les deux premiers, mais vraiment, les deux premiers couplets sont chantés tellement vite, tellement saccadés, et il a une très bizarre façon de faire les liaisons et de mettre l'accent tonique. Impossible, vous êtes obligé de réinventer les paroles. Dis-moi, si tu aimes la country folk, pop et la musique italienne, dis-moi que tu aimes Adriano Celentano. Bien sûr. Nagui, Sonia de Villers sur France Inter pour une battle où je n'existe plus. Mais il faut trancher. Alors, les points. Queen étant probablement, avec les Sparks et les Beatles, le plus grand groupe du monde, je donne le point à Nagui. Non, mais non, parce que c'est primo bon goût. C'est trop facile. On est sur France Inter. Ça peut pas être la primo bon goût. Dernièrement. C'est pas possible. Sinon, on n'est pas le fin. On n'est pas le 31 décembre, Mélanie Bauer. On est le 31. On casse. Tout. On passe du disco italien sur France Inter. On va pas récompenser Queen le même jour. Dernière manche, donc le refrain est pas des moindres. Juste avant d'entrer dans la nouvelle année, à quelques minutes de 2017, voici le refrain pour câliner l'humanité. Il va falloir qu'on se réconcilie à la fin, c'est ça? Une fois, ouais. Parce que moi, je lui ai filé mon point, lui, il m'a pas filé le sien. Non, trop tard. De toute façon, c'est moi l'arbitre. Troisième round. J'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous câliner, de vous chuchoter, de vous aimer, de vous serrer très fort. De toute façon, pour les câlins, forcément, Sonia va gagner. C'est moi le chef. Ouais, mais c'est les filles qui gagnent dans les câlins. C'est pas possible. C'est les filles qui gagnent dans les câlins. C'est les filles qui décident des câlins. Ouais. Alors Sonia, vous faites partie. Bah là je dis oui. Bah ouais, ouais. Vous êtes partie sur la période Mulet de Rod Stewart, une chanson qui traite de l'errance. J'ai gagné le bon goût au premier rang, mais alors derrière. L'introduction est difficile. Hein. Alors on c'est est ça. dans elle l'errance. Elle n'aime pas en fait Mélanie Bauer. En fait, elle n'aime pas les femmes. Elle n'aime pas les filles. Non, c'est ça. Bah, on en parlera hors antenne. Le mal de pays. C'est le moment. J'aime beaucoup les filles. L'absence de foyer fixe, I'm sailing home again, cross the sea, I'm sailing, je vogue à travers les océans pour rentrer chez moi, je vogue. Pourquoi alors? Parce que d'abord, je pense que l'endroit où on est le plus heureux au monde, c'est en mer. Sur un bateau. Ouais, vraiment. Mais vraiment. Et pas forcément sur un très beau bateau, sur n'importe quel rafio, n'importe où dans le monde, même en Bretagne du Nord, quand il fait à peu près 1 degré et qu'on casse les ossières le matin tellement elles ont congelé durant la nuit. Vraiment, je pense que quand on est en mer, on est dans un endroit d'une absolue, absolue sérénité. Et réellement, Rod Stewart, moi, il m'emmène en mer et il me donne envie d'aimer tout le monde. Même vous. J'ai presque envie de pleurer aussi. C'est une chanson assez triste. Mais c'est une chanson sur l'exil. Pour aimer les autres, il faut être dans un état de joie très intense. Ou dans un vrai moment où on baisse les armes. Et je dois dire que la larme à l'œil, c'est le... Voilà, c'est peut-être... Non, mais t'as des hugs qui t'amènent aux larmes tellement il se passe quelque chose. Mais peut-être que parfois les larmes permettent les hugs. Ouais. Voilà, ça permet de faire Nagui, tomber les barrières. Il va encore plus loin. On est à peu près à la même époque, en 75. Exactement, c'est vrai, mais lui, c'est tellement un grand câlin à l'humanité qu'il nous emmène carrément à l'hôtel. Mm-hmm. Avec les... J'ai compris. Bah oui, en même temps, les années 70, ils ont fait que ça. Non c'est ça. On a dark desert highway. C'est un hôtel dont on ne peut pas partir. Non, ils n'ont pas fait que ça. Ils ont fait New Kid in Town. Je ne dis pas ça, mais ils ont fait que ça quand même. Demander à la planète entière de s'aimer plutôt que de faire la guerre. Mais alors, là en plus, il y a une Madeleine avec cette chanson. C'est le premier bisou que j'ai fait dans ma vie. Vraiment ? Premier patin sur un slow. C'était vraiment sur ça, il est vieux. T'avais quel âge ? J'avais 14 ans, 15 ans. Et elle s'appelait ? Et elle s'appelait Géraldine. On vous embrasse, Géraldine. Voilà. Aujourd'hui, je sais pas. Eh ben, nous, on l'embrasse. Bah, oui, bah, vous avez les filles, ça soit. Exactement. Hôtel California. Welcome to the hotel. Alors moi c'est pas le refrain, pardon, hein, c'est pas le refrain qui me donne le plus envie de faire des câlins. C'est au contraire, c'est quand il est seul comme ça, c'est Donnelly, c'est le batteur donc en plus. Hors sujet. Non, c'est-à-dire qu'il c'est plutôt l'intro. D'accord. C'est plutôt l'intro. Parce que j'allais c'est, dire aussi c'est les premières notes. Ouais, les premières notes, elles sont vraiment, elles apportent quelque chose, quoi. C'est pas un sublime message de paix et d'amour, là, qu'on est en train de vous fabriquer. Si, c'est joli. C'est vrai surtout que... Pour l'année pour, surtout avant... pour l'année pourrie qui va nous arriver en 2017. C'est ça. C'est ça. Aimez-vous, naviguez, voyagez. Ça parle de l'addiction à la drogue. Bon, ça parle c'est une ancienne... Alors, j'ai appris ça, vous avez raison, sur le tard, mais pas au moment où je câlinais dans les années 70 là-dessus, mais après j'ai su que c'était une maison de détox en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Et puis ça parle aussi des maisons de disques qui enferment les musiciens et qui les empêchent. Oui, Mélanie Bauer, elle a beaucoup plus de choses à dire sur les Eagles que sur Rod Stewart. On voit tout de suite. Moi, mon morceau préféré, si vous voulez le savoir, de Rod Stewart, ah bah, c'est Die I Think I'm Sexy. Ah oui, mais c'est pas, je fais pas des hugs sur Die voilà, I Think I'm Sexy. Oh, et puis surtout, Die I Think I'm Sexy. C'est ça, a une conception très particulière du hug. Ouais. C'est-à-dire qu'une fois qu'elle lui a pété la gueule, après elle lui fait un petit câlin pour... C'est exactement moi. Aujourd'hui, Rod Stewart pose la question de Think I'm Sexy, la réponse est non. Si tu vois dans quel état il est pas sexy. Moi, j'aime bien les gens un peu en plastique. Alors, Et tu te foutais de la coiffure de Brian May, toi. Je te jure. Sonia De Villers contre Nagui, donc en back-to-back sur France Inter. Je récapitule. Sonia, vous gagnez en réunissant les deux sexes devant l'écran avec Trou Détective, là où Nagui sépare avec le football. Nagui a contre-attaqué avec succès pour la chanson Yaourt de Queen, qui est quand même un grand moment, là où la Felicita, c'est vrai, c'était pas mal, mais bon. Et pour le refrain, je donne le point à Nagui. Ah, parce que même si on l'a entendu c'est 200 000 fois, Hotel California. Non, pas 200, on l'a entendu 200 millions de fois. C'est ça. C'est un refrain qui reste dans la tête. Oui, c'est vrai. Hôtel California, je pense que toute la nuit, les gens vont aussi, le chanter. Céline aussi. Céline aussi. Aussi. Quand vous en débarrassez, impossible. Mélanie, à quelques heures du réveillon, du hug de minuit, il faut un match nul, c'est pas possible. Impossible, il y a trois rounds. Faisons un quatrième. Eh bien, je vous propose un hug. Je vous propose de tout oublier. Yes. Je vous propose d'abandonner la compétition. Yes. C'est le hug radiophonique. C'est ça ? C'est le hug radiophonique. Déshabillons-nous. Vite ! Maintenant, Mélanie. Je vous souhaite une bien belle année. C'est un match sans fin, donc. Exactement. Merci beaucoup, Mélanie. Ce sera le seul de ce soir. En plus, c'est dos à dos. Moi, je voulais tous être dos à dos avec vous, mais tant pis, ok. Merci beaucoup. C'est le moment de souhaiter une très très belle année à nos auditeurs. Bonne année, Mélanie. Bonne année à tous. Vous pensez que je suis votre seul auditeur ? Non. Bonne année les auditeurs. Bonne année France Inter. On les embrasse en tout cas. On les embrasse fort. Bonne année à vous deux. Merci d'avoir joué. Vous avez été mais d'une mauvaise foi absolument. Absolument. Et c'est pas fini. Back to back. Spécial 31. Avec Mélanie. Ouais. Avant de retrouver nos voeux et le dernier match de la nuit entre Fabrice Rouel et Daniel Morin à minuit, un peu de hip-hop avec le meilleur disque rap de l'année, oui, j'en suis sûre, A Tribe Called Quest et This Generation. Ça fait sympa. And the box with capital G, ball in the beat, status Chris Paul, John Paul in the league, grab a mic, still the knuckles will bleed, cause I believe the potent and the potent happy geek like speed, if rationale is natural, I will weave, it's all edges and beads, setting history on a permanent speed. I'm in the world with my princess player, can't you feel I'm a beta, and my lore grows greater and greater, Tim Tails got the toy in his vape, had it shaking like Gator, been chill, nigga, prostitutator, boo, Ray Way, follow a beta, I DVR for later, chop a monster with a G, I'm a waiter, you can't define the X, Y, Z, generational elitists, happy cheating, virtual think pieces. See these written words, poetical science, brain defiant, thoughts heavy, baby, they're a major a pint. Leave a tad when dropping to fly this fluid giant. Dude's nice, he kite screwed in with some pliers. Cool with some buyers, yeah, nigga, cool with some growers. Never know tattletales, only I don't know us. See a show regeneration, show us what you gon' show us. So listen, mommy, see, we took a little bit of boin. Mouthpiece like coins with a jubilant noise. Dude's rude and as useless as coins. Shoot them boys, burst and rehearse in the soothing of loins. Talk to Joey Earl, Kendrick Cole, gatekeepers. Flow. They are extensions of instinctual soul. It's the highest of commodity grade, and you can get it today. Cuddle bunny ready to go, day of the dead. Where we all a zombie this day. And it's just your aftermath, bust a cut in your dress. We'll swing in niggas, find your niggas, UFC. Smoke trio niggas, sizzle out your USB. Surge pricing on these Ubers, I'ma get me a cab. Now where Jerome be at? Arriving on impeccable grass, I be in that my seat, waiting for that law to pass. Been waiting for a Ted's title since last. Such a tie-tied bold gangrene on that ass. Magic Mike on the mic, David Blaine does his penny. In the church of Buster Rhymes, it's my sermon, you hit me. Horizontal spitting, I'm the exorcist of your wicked. Don't interrupt me, nigga. Sorry, that's a sin and forgiving. Like how we be skipping on beats like cooking crack in the kitchen. Wait, let's start the pack and dry it back up to wet. This man city's not a game, easy, quiet on set. Fine, student of the past, trailblazing the day. Not acknowledging a train of swept up in a phase. We still the highest of commodity grades. Get it today. Spécial réveillon à l'Irébéi, un titre pour s'embrasser sous le gui. Pour vous, c'est Divine Comedy. Bonsoir Mélanie Bauer. Ben oui, j'ai choisi Everybody Knows de The Divine Comedy. Pour moi, c'est une des plus belles chansons d'amour. Absolument extraordinaire pour s'embrasser sous le gui, là, tout à l'heure. C'est une chanson, moi, qui me rappelle le temps où j'étais amoureux à Rennes. J'étais étudiant à Rennes et mon idole, bah, c'était The Divine Comedy, vraiment. C'était pour moi un des meilleurs songwriters, un des meilleurs chanteurs. Enfin, c'était, voilà, c'est une époque bénie de ma vie. Et donc, je continue encore et toujours à écouter The Divine Comedy. Votre petit côté classique. Oui, oui. Puis j'aime ce qu'il raconte dans Everybody Knows, tout le monde sait que je t'aime, tout le monde sait que j'ai besoin de toi, tout le monde sait tout ça, sauf toi. J'ai parlé aux étoiles sur celles que j'aimais, j'ai parlé au soleil du matin, yay, j'ai parlé à tout le monde, j'ai parlé à ma mère et mon père, ils semblaient comprendre, et je te ferai comprendre si c'est la dernière chose que je fasse. Voilà. Cette chanson d'amour qui est à la fois nostalgique, belle par ses paroles, entraînante. Moi, c'est une chanson que j'écoute constamment depuis 20 ans. Voilà. C'est une de mes chansons qui m'accompagne. Ce sera votre. Je trouve que pour débuter l'année, c'est. Enfin, en tout cas pour les amoureux, je trouve que c'est une belle manière de débuter 2017. Yeah, I'm telling you. France Inter va cesser d'émettre sur les grandes ondes à partir de demain. Pour continuer à nous écouter, c'est très simple. Basculez dès maintenant votre récepteur radio en FM sur la fréquence de votre ville. Retrouvez toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin, le guide des fréquences, ainsi que l'écoute en direct de vos émissions, en vous connectant sur le site franceinter.fr ou appelez-nous du lundi au vendredi au 01 56 40 40 50. 01 56 40 40 50. Sentimental que vous écoutez sur France Inter le vendredi de 21h à 23h, l'émission de Didier Varro et de Marion Guilbeault. Je les trouve en même temps dans le bureau pour quelques morceaux pour vous faire danser en ce début d'année. Marion Guilbeault, pour faire danser les fous, vous avez choisi quoi? On va dire le Brésil, on va dire George Ben, on va dire n'importe quel titre presque de cet album Samba, Esquema Novo. 1963. Nada. Eu quero passar, pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. De maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Bye. Oui. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Pour la nouvelle année? Je pourrais dire je suis prête comme Madonna. Alors on trinque avec quoi pour la nouvelle année? Quel type de musique? On trinque avec de la musique groovy, disco, sexy, toute ma vie quoi. Last night DJ saved my life. Allez, last night DJ saved my life. On rock around. Et ben voilà. Parce que c'est un peu la chanson de ma vie, c'est la chanson qui m'accompagne dans tous les moments les plus compliqués, dans tous les moments les plus joyeux, et je tiens à le dire, comme une forme de coming out, probablement que ce sont les DJ qui m'ont sauvé la vie plus d'une fois. Donc voilà, je pense que c'est bien, puis en cette fin d'année où on est un peu fatigué, où on se demande si on va arriver à passer le cap de 2017, il faut toujours qu'il y ait un DJ pour nous aider à croire qu'on peut passer le cap. Donc voilà, cette chanson-là me poursuivra jusqu'à la fin de mes jours, voyez-vous, Mélanie. Le Back to Back de France Inter avec Mélanie Boer. Back to Back, la boule à facettes de 2017. La tarde, c'est ma life. La tarde, c'est ma life. Cause I was sitting there bored to death, and then just one breath he said, you gotta get up, you gotta get off, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You've got to turn into another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You've got your women all around, all around this town. Merci à Mélanie Boer. On se retrouve l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques minutes, pour la suite de Back to Back. Alexandra Dubouchon, et si on lançait le décompte? Très bien. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Merci de nous avoir fait soigner fort et la vie.